vais essayer aujourd'hui de fixer le sens de cette route par laquelle je vous ai mené cette année sous le titre d'un discours qui ne serait pas du semblant. Cette hypothèse, car c'est au conditionnel que ce titre vous est présenté, cette hypothèse est celle dont se justifie tout discours. Ne mettez pas que l'année dernière, j'ai essayé d'articuler en quatre discours typiques ces discours qui sont ceux auxquels vous avez affaire dans un certain ordre instauré qui, bien sûr, ne se justifie lui-même que de l'histoire. Si je les ai brisés en quatre, c'est ce que je crois avoir justifié du développement que je leur ai donné et de la forme que, dans un écrit du radiophonique, paradoxalement, mais pas tellement ça, si vous avez entendu ce que j'ai dit la dernière fois, un certain ordre, donc, dans cet esprit, vous rappelle les termes. C'est du glissement toujours syncopé, du glissement de quatre termes, dont il y a toujours deux qui font séance, et ces discours que j'ai désignés nommément des discours du maître, des discours universitaires, des discours que j'ai privilégié du terme de l'hystérie, et du discours de l'analyste que je les ai ordonné. Ces discours ont la propriété de toujours avoir leur point d'ordonnance, qui est aussi celui d'ailleurs dont je les épingle, d'être à partir du semblant. Qu'est-ce que le discours analytique a de privilégié d'être celui qui nous permet comme les articulant ainsi, de les répartir aussi en quatre dispositions fondamentales. C'est paradoxal et singulier que une pareille énonciation se présente comme au terme de ce que qui se trouve être à l'origine du discours analytique, à savoir Freud a permis. Il ne l'a pas permis à partir de rien. Il l'a permis à partir de ce qui se présente, je l'ai bien des fois articulé, comme étant le principe de ce discours même, à savoir ce qui se privilégie d'un certain savoir qui éclaire l'articulation au savoir de la vérité. Il est à proprement parler, prodigieux, que cela même qui pris une certaine perspective, celle que nous pourrions définir, de se poser comme au regard de la société, ce dont qui, dans cette perspective, se présente comme des infirmes, soyons aimables comme des boiteux, et l'on sait que beauté boite, à savoir les névroses, et nommément les hystériques et les obsessionnels, que soit de, que partie, que soit partie ce trait de lumière du royaume, qui traverse de long en large la dimension que conditionne le langage, la fonction qu'est la vérité, voire à l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Est-ce que je pourrais entendre ce qu'on me dit? Si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il l'énonce d'une façon telle que tu puisses l'entendre. Voir, chacun sait la place que cela tient dans l'énonciation de Freud. Voir cette cristallisation qu'est ce que connaissons sous sa forme moderne, ce que nous connaissons de la religion, nommément la tradition judéo-chrétienne sur laquelle porte tout ce qu'a énoncé Freud à propos des religions. Ceci est cohérent, je le rappelle, avec cette opération de subversion qui jusqu'alors s'était soutenue à travers toute une tradition sous le titre de la connaissance, et cette opération s'origine de la notion de simple. Il est important historiquement de s'apercevoir que ce n'est pas là que réside la nouveauté, l'introduction à la psychanalyse réalisée par Freud. La notion de symptôme, comme je l'ai plusieurs fois marqué, et comme il est très facile de le repérer à la lecture de celui qui en est responsable, à savoir Marx. Ce qu'il y a dans la théorie de la connaissance de fondamental du prix, cette dimension du semble, quand on introduit la duperie dénoncée comme telle par la subversion marxiste, le fait que ce qui est dénoncé, c'est justement toujours dans une certaine tradition parvenue à son acmé avec le discours hegelien, que quelque semblant y est instauré en fonction de poids et mesure, si je puis dire, atténué pour argent comptant. Ce n'est pas pour rien que j'emploie ces métaphores, puisque c'est autour de l'argent, autour du capital comme tel, que joue le pivot de cette dénonciation qui fait résider dans le fétiche ce quelque chose, un retour de la pensée doit remettre à sa place et très précisément en tant que semblant. Le singulier de cette remarque est tout de même fait aussi pour nous faire apercevoir qu'il ne suffit pas que quelque chose s'énonce dans cette dénonciation qui se pose comme une vérité au nom de laquelle émerge ce premier, la plus-value, comme étant le ressort de ce qui réduit à son semble ce qui jusque-là se soutenait d'un certain nombre de méconnaissances délibérées. Il ne suffit pas, remarquerai-je, et l'histoire le démontre, que cette irruption de la vérité se produise pour que, pour autant, soit abattu ce qui se soutient de ce discours. Le discours que nous pourrions appeler dans l'occasion capitaliste, en tant qu'il est détermination du discours du maître, qui trouve bien, en fait, et bien plutôt son complément. Il apparaît que, loin que le discours capitaliste se porte plus mal de cette reconnaissance comme telle de la fonction de la plus-value, il n'en subsiste pas moins qu'aussi bien un capitalisme repris dans un discours ordinaire, comme eh bien ce qui semble distinguer les suites politiques qui ont résulté sous forme d'une révolution politique, qui ont résulté de la dénonciation marxiste de ce qu'il en est d'un certain discours dissemblant. C'est bien en quoi je ne m'appesantirai pas ici sur ce qu'il en est de la mission historique par là dévouée dans le marxisme, et tout au moins dans ce manifeste dévoué aux prolétaires. Il y a là, je dirais, un reste d'antification humaniste qui, en faisant du prolétaire celui, bien sûr, qui dans ce mécanisme se trouve le plus dépouillé, n'en montre pas moins que quelque chose subsiste qui le fait subsister effectivement dans cet état de dépouillement, et que le fait qu'il soit le support de ce qui se produit sous l'effet de la plus-value, n'est pas pour autant quelque chose qui d'aucune façon le libère de l'articulation de ce discours. C'est bien en quoi cette dénonciation nous reporte à une interrogation sur quelque chose qui pourrait être plus originel et qui se trouverait dans l'origine même de tout discours en tant qu'il est discours du semblant. C'est bien en quoi aussi ce que j'ai articulé sous le terme du flux de juifs nous reporte à ce qui est interrogé dans le discours freudien comme mettant en cause le rapport de quelque chose qui s'articule à proprement parler et à nouveau comme vérité en opposition à un semblant, et cette vérité, cette opposition et cette dialectique de la vérité et du semblant se trouve, puisque Freud a dit à un instant, situé au niveau de ce que j'ai désigné du terme de rapport sexuel. Je, en somme, ose inciter à ce qu'on s'aperçoit que si cette révélation qui nous est fournie par le savoir du névrosé concernant quelque chose n'est rien de que ceci qui s'articule, il n'y a pas de rapport sexuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Non pas certes que le langage qui se déjà, je le dis, il n'y a pas de rapport sexuel de quelque chose qui se dit, que maintenant se dit, mais bien sûr, il ne suffit pas de le dire. Il faut encore les motiver, et les motifs que nous prenons dans notre expérience prise suivie de s'accrocher à cette béance fondamentale et suivie de nous, il a son départ central enroulé autour de ce livre dans ce qui donne le discours du névrosé. La dernière fois, il l'avait senti et assez souligné, tenter d'amorcer d'un écrit comme ce qu'il en est du point de départ de ce livre. Et l'intention aujourd'hui, non pas bien sûr, la chose au-delà de limite de tout ce qui peut se vivre dans l'espace limité d'un séminaire, non pas de ce que le me broder un discours de mon rapport à cette puissance. Mais de ce qui les mythes dont cet organisme qui figure non pas toujours sous la dictée, mais en écho pour me broder les mythes preuve à fond. Pour pouvoir le faire dans un temps qui court, il faut partir de ce point vraiment central, qui est aussi le point béni du discours psychanalytique. Du discours psychanalytique en tant qu'il n'est ici qu'à l'écoute de ce discours dernier, de celui qui ne serait pas du temps de la vie. Il est à l'effet d'un discours qui ne serait pas, mais qui aussi bien n'est pas. Je veux dire que ce qui s'indique n'est que la limite imposée au discours quand il s'agit du rapport social. C'est essayer, quant à moi, au point d'avant, ce qui pourrait s'en formuler plus à fond, vous dire que c'est que son échec au niveau d'une logique qui se soutienne, que ce dont toute logique se soutienne, à savoir que l'écriture, du clair, de l'œuvre de Freud, est une œuvre écrite, mais aussi bien aussi que celle dessine de ce dessus, c'est quelque chose qui entoure une vérité voilée, obscure, celle qui s'énonce de ceci, que un rapport sexuel, tel qu'il passe dans un quelconque accomplissement, ne se situe, ne s'assiette que de cette composition en la distance et le semblable qui s'appelle l'attachement, que nous la voyons ressurgir à tout instant dans les discours du névrosé, mais sous la forme d'une crainte, d'un évitement. C'est justement en cela que la castration reste énigmatique, qu'aucune en somme de ses réalisations, les diverses mouvantes, chatoyantes, ou aussi bien l'exploration de la psychopathologie, des phénomènes analysables, tout au moins de cette psychopathologie, que les excursions dans l'ethnologie le permettent, ne reste pas moins que quelque chose dont est distincte et qui est évoqué comme castration. Nous le voyons sous quelle forme, sous la forme toujours d'un évitement. Si le névrosé, si je puis dire, témoigne de l'intrusion nécessaire, ce que j'ai appelé à l'instant cette composition de la glissance et du semblant qui se présente comme la castration, c'est justement en ce qui montre de quelque façon une acte. Et si il en est des rituels d'initiation qui, comme vous le savez, vous ne le savez pas, reportez-vous aux ouvrages techniques et pour en prendre deux qui sont produits de l'intérieur sans même plus lui-même, et vous désigne respectivement les problèmes en bisexualité à réfléchir une circoncision, c'est-à-dire problème de la bisexualité en tant que réfléchi dans la circoncision, Hermann Mühlberg, paru à Anglais Book, c'est-à-dire, en fin de compte, à l'Imago Publishing de Londres, et d'autre part, l'ouvrage intitulé Symbolic Wounds, blessures symboliques, de Bruno Bettelheim, qui libérait, éploigné dans toute son ambiguïté, dans son flottement fondamental, l'hésitation, quelque sorte, de la pensée analytique entre une ordonnance explicative qui fait d'une crainte de la castration laissée tout à fait opaque et en quelque sorte au petit bonheur, du malheur, comme je dirais, des accidents dans lesquels se présente quelque chose qui, dans ce registre, ne serait que l'effet d'un certain malentendu jaillit de préjugés, de maladresse, de quelque chose de rectifiable, ou au contraire d'une pensée qui s'aperçoit qu'il y a bien là quelque chose dont la constance, à tout le moins dans un nombre immense de productions. Nous pouvons enregistrer tous les registres, tous les catalogues, soit plus ou moins bien faits, que ce soit ceux de l'ethnologie ou de la psychopathologie que j'évoquais tout à l'heure, il y en a d'autres, nous mettent en face de ceci, que ces deux épreuves expriment à l'occasion, une très forte bien le dire, dans le malaise de la civilisation. C'est à propos de quelque chose qui, après tout, ne rend pas si nouveau que j'ai formulé de « il n'y a pas de rapport sexuel ». Il indique bien sûr, terme que je le fais, d'habitude, tout à fait clair, que tandis que là-dessus, très précisément à propos du rapport sexuel, quelques fatalités qui iront nécessaires, et qui alors, apparaissent comme étant les moyens, les ponts, les passerelles, les édifices, les constructions, pour se dire, qui, à la carence de ce rapport sexuel, pour autant qu'après tout, dans une sorte d'inversion de perspective, tout discours possible n'en apparaîtrait que comme le symptôme, à l'intérieur. Ce rapport sexuel mena dans des conditions que, comme à l'ordinaire, nous reportons dans la préhistoire, dans les domaines extra-historiques, qui, dans ces conditions-là, permettraient en quelque sorte la réussite de ce qui pourrait s'établir d'actuel, supplé en manque, un cri en somme dans l'être parlant, sans savoir si c'est de ce qu'il soit parlant que c'en est ainsi, ou au contraire de ce que l'origine soit, que le rapport n'est pas parlable. Il faut que c'est là-bas pour ce qui habite le langage, il faut pour c'est là-bas. Quelque chose qui remplit la forme de la castration, la séance laissée dans quelque chose qui est pourtant essentiel, biologiquement essentiel, à la reproduction de ces êtres comme vivants, à ce que leur race demeure féconde. Tel est bien en effet le problème, à quoi semble faire face ce qu'il en est des rituels d'initiation. Que ces rituels d'initiation comprennent des, appelons-les, manipulations, opérations, incisions, circoncisions, disent, mettent leur marque très précisément sur l'organe. Nous voyons fonctionner comme le symbole. Dans ce qui, par l'expérience analytique, nous est présenté comme allant bien au-delà du privilège mortel, puisque c'est le phallus et le phallus en tant que c'est à ce pied que s'ordonne les personnes, mettent en un pas l'existence du sexe de l'homme et de la femme. En tant que nous les définirions d'un simple épinglage biologique, ces êtres qui très précisément sont avec l'existence sexuelle et d'une façon élective parmi toutes les autres existences, en difficulté avec elle, c'est bien là qu'il s'agit, et c'est de là que nous devons partir. Si nous voulons que se maintienne un sens correct à ce qui s'inaugure du discours analytique, il existe, on le suppose, quelque chose de défini. C'est ce que nous appelons la castration qui aurait le privilège de parer à ce quelque chose dont l'un des cas fait le fond du rapport sexuel, pour autant que l'instant qui doit être organisé. Au regard de ceci, il ne semble pas évitable, je parle de ces éléments techniques, la dramaturgie de contraintes qui fait comme ça le quotidien pour un homme est tout à fait contraire, tout à fait contraire à ça. C'est une remarque qui fait la valeur du livre second, celui de Bruno Bettelheim, que je vous ai pointé, et qui est évidemment tout à fait contraire avec ceci, qui est la seule chose importante. Il ne s'agit pas de repousser dans la préhistoire ce qu'il en est des rituels d'initiation. Les rituels d'initiation, comme tout ce que nous pouvons avoir envie de repousser dans la préhistoire, ils sont là, ils existent toujours, ils sont vivants par le monde. Il y a encore des Australiens, civilisés, il y a des zones entières de la civilisation, la circonférence, et méconnaître dans un siècle dit de lumière, ces pratiques non seulement existent, mais sont florides, se portent fort bien, c'est évidemment de là que parti. Pour nous apercevoir que ce n'est aucune dramaturgie concevable des contraintes, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas d'exemple que ce soit seulement la contrainte. Il s'agit encore de savoir ce que veut dire une contrainte. Une contrainte n'est jamais quelque chose d'un tout autre ordre que la prétendue prévalence d'une prétendue supériorité physique ou autre. Comme elle se supporte précisément de finition, et si c'est à la loi, à la règle de finition que tel sujet veut bien soumettre, c'est bien pour des raisons. Ces raisons, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous importe, et c'est là que nous vont bien plutôt interroger quelle est la complaisance, pour employer un terme qui pour nous mener du droit à l'hystérique n'en est pas moins d'une portée extrêmement générale. La complaisance qui fait que ce qui existe bel et bien, et en des temps tout à fait historiques, ce qu'il en est de ce qu'on nous présente comme quelque chose dont à soi seul, l'image serait insupportable. Elle serait peut-être, en effet, insupportable pour quelqu'un, c'est justement là dont il s'agit de savoir pourquoi. C'est là que se prend mon fil. C'est à suivre ce fil que nous donnons tant de sens à ça qui s'engage dans ce que j'appellerais cette parole inédite, car il est dit à certaines époques, elle est bien historique et à notre portée, cette parole inédite et qui se présente en somme comme devant toujours pour une part le rester, il n'y a pas d'autre définition à donner de l'intention. Venons-en maintenant à l'hystérique qui me plaît de partir de l'hystérique pour essayer de voir où nous conduit ce style. L'hystérique, vous allez me demander, j'espère bien que non, en tout cas. Qu'est-ce que c'est justement, enfin, c'est cela le sens du discours analytique. C'est qu'à une pareille question, qu'est-ce que ça veut dire l'hystérique en personne, qui semble avoir travaillé assez longtemps à partir de l'imaginaire, hein, pour indiquer qu'en personne, ça le rappelait simplement ce qui est déjà écrit dans le terme personne, ça veut dire en masse, une parmi. Aucune réponse de départ ne peut être donnée de ce sens. À la question qu'est-ce que l'hystérique, la réponse du discours analytique, c'est vous le verrez bien, justement, à suivre. Où elle nous conduit. Dans l'hystérique, bien sûr, ne serait nulle part venu dire ce qu'il en est de ce que j'inscris dans les textes, de vous donner la première ébauche logique de ce dont il s'agit maintenant, de ce que j'écris grand fils de Hitler, qui est à savoir. La distance, cette variable dans la fonction inscrite en mission, ce qui de ce rapport avec ce grand fils qu'il a désigné le phallus, découverte centrale, ou plutôt redécouverte, ou comme vous voudrez, rebaptême, puisque comme je l'indiquais la dernière fois, en tant que semble dévoilé dans les mystères que le terme est repris et non pas par hasard, puisque c'est très précisément dans le fait que c'est au semblant du fallu qu'est rapporté le point pivot, le centre de tout ce qui peut s'organiser, se contenir de la jouissance sexuelle, dès les premières approches, les hystériques, dès les studiés univers hystériques, Freud nous amène. C'est la dernière fois articuler ceci sans stop, apprendre les choses du point qui peut en effet être interrogé de ce qu'il en est du discours le plus commun. Que si nous voulons bien, non pas pousser à son terme ce que la linguistique nous indique, mais justement l'extrapoler, savoir nous apercevoir que rien de que le langage permet de faire n'est jamais métaphore ou bien métonymie. Que le quelque chose, toute parole, quelle qu'elle soit, prétend un instant dénoté, ne peut jamais que renvoyer à une connotation. Et que s'il y a quelque chose qui puisse au dernier terme s'indiquer comme étant ceci, que toute fonction appareillée du langage se dénote, je l'ai dit la dernière fois, il n'y a qu'une Bedeutung. Bedeutung des phallus, c'est la seule ce qui est du langage dénoté. Dénoté, bien sûr, tant que plus jamais rien n'y répond, puisque s'il y a bien quelque chose qui caractérise le phallus, ça n'est non pas d'être le plus sentiment, comme certains ont pu pouvoir entendre certaines de mes paroles, mais d'être assurément, en tout cas, ce dont ne sort aucune parole. Signe et bégueuse. C'est de là que je l'ai rappelé la dernière fois, sur cette opposition, articulée par le logicien, vraiment inaugurable, finissant. Qu'est Frege, Sinn et Bedeutung, et finit que Rotterdam, qui vont plus loin que ceux de connotation et de dénotation. Beaucoup de choses dans cet article, dans Frege, instant, les deux versants du Sinn et de la Bedeutung, beaucoup de choses sont à retenir, spécialement pour un analyste. Car, assurément, sans une référence logique, ce qui bien sûr ne se suffit de la logique classique, de la logique aristotélicienne, sans une référence logique, il est impossible de trouver le point juste en les matières que j'aborde. La remarque de Frege tourne tout entière autour de ce qui peut porter à un certain point du langage, discours scientifique. Ce que nous constatons, c'est par exemple des faits comme celui-ci, que est-ce la même chose que de dire Vénus, ou de l'appeler de deux façons, comme elle fut longtemps désignée, l'étoile du soir, l'étoile du matin. Est-ce la même chose de dire Sir Walter Scott, ou de dire l'auteur de Everlast? Très bien, pour ce qu'il y en reste, c'est effectivement l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Everlast. C'est à l'examen de cette situation que Frege s'aperçoit qu'il n'est pas possible, en tous les cas, de remplacer Sir Walter Scott par l'auteur Wazowski. C'est en cela qu'il distingue ceci que l'auteur de Waverley véhicule en film et que Sir Walter Scott désigne une pédagogie. Il est clair que si l'on pose avec Leibniz, n'est-ce pas, que salva veritate, pour poser la vérité, il faut poser que tout ce qui existe comme ayant une équivalence est indifféremment remplacé, et si on met la chose à l'épreuve, le tout le mettre à l'épreuve, selon les voies tracées par Frege lui-même, le roi Georges III, peu m'importe, Georges III ou Georges IV, n'a fait dans l'occasion peu d'importance, demandait, informait de savoir si Sir Walter Scott était l'auteur de Waverley. Si nous remplaçons l'auteur de Waverley par Sir Walter Scott, nous obtenons une phrase suivante. Le roi Georges III s'informait pour savoir si Sir Walter Scott était Sir Walter Scott. Ce qui, bien évidemment, n'a absolument pas le même sens. C'est à partir de cette simple remarque, opération logique, que Frege inaugure sa distinction fondamentale du signe et de la Bedeutung. Il est tout à fait clair que cette Bedeutung nous renverra bien sûr à une Bedeutung toujours plus lointaine. Pour lui, bien sûr, il s'en arrête à la distinction de l'appelle, ou le discours oblique et le discours direct. C'est pour autant que c'est dans une subordonnée que c'est le roi Georges III qui demande que nous devons ici maintenir les signes dans leurs droits et ne remplacer en aucun cas l'auteur de Waverley par Sir Walter Scott. Et ceci, bien sûr, est un artifice. C'est un artifice qui, pour nous, ne nous met que sur la voie de ceci. À savoir que Sir Walter Scott, dans l'occasion, c'est un nom. Et aussi bien que quand M. Carnap reprend la question de la Bédéthum, c'est par le terme nominatum qu'il le traduit. Soit justement, il glisse là où il n'aurait pas fallu glisser. Car ceci, justement, qui peut nous permettre d'aller plus loin, mais certainement pas dans la même direction que M. Carnap. C'est celle de ce que veut dire le nom. Le nom M-O-M. Je le répète comme la dernière fois. Il me serait facile de faire ici le lien avec ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Je vais faire remarquer que j'ai fallu répondre ici. Je ne sais plus vous mettre sur la voie le point que je désire ici accentuer. C'est que le nom. Le nom Ner, et le nom Naon, mais on voit bien les choses au niveau du nom propre, comme je le dis avant-toi. Le nom, c'est ce qui appelle, en fait. Mais à quoi? Et ce qui appelle à parler. Et c'est bien ce que ça veut dire. C'est pas lui, c'est qu'on peut l'appeler pertinent, il dira que c'est la fille. Seulement, ceci, alors, donne son sens à ce que j'ai appelé en son temps la métaphore paternelle, et c'est là que nous conduit. La métaphore paternelle, bien sûr, là où je l'ai introduite, c'est-à-dire au niveau de mon article sur la question préalable, à tout traitement possible de la psychose, je l'ai inséré dans le schéma général, extrait du rapport de ce que nous dit la linguistique sur la métaphore, avec ce que l'expérience de l'inconscient nous donne de la condensation. J'ai écrit le S sur S1, multiplié par le S1 sur un petit S. Je me suis, comme j'ai écrit également dans l'instance de la lettre, fortement appuyé sur cette face de la métaphore, qui est d'engendrer un sens. Si l'auteur de Waverley est un signe, c'est très précisément parce que l'auteur de Waverley remplace quelque chose d'autre, qui est Bédéthum spécial, qui est très gai, croit pouvoir épingler du nom de Sir Walter Scott. Mais enfin, il n'y a pas ce temps que j'ai envisagé la métaphore paternelle. Si j'ai écrit quelque part que le nom du Père, c'est le salut, Dieu sait quel frémissement d'horreur que tu as évoqué dans quelques âmes pieuses. Mais précisément parce que c'est ça, il ne pouvait pas l'articuler mieux. Ce qui est clair, c'est qu'elle fallut, bien sûr, mais c'est tout de même le nom du Père. Ce qui est nommé Père, le nom du Père, si c'est un nom qui lui a une efficace, c'est précisément parce que quelqu'un se lève pour répondre. Sous l'angle de ce qui se passait, pour la détermination psychotique de Frédéric. C'est en tant que signifiant capable de donner un sens au désir de la mère. À juste titre, je pouvais situer le nom du Père. Mais, au niveau de ce dont il s'agit, en ce qu'ils ont l'hystérique, qu'il l'appelle, dont il s'agit, c'est que quelqu'un parle. Je voudrais ici vous faire observer que si Freud a quelquefois essayé d'approcher d'un peu plus près cette fonction du père qui est tellement essentielle au discours analytique, qu'on peut dire d'une certaine façon quel en est le produit. Si je vous écris le discours analytique petit a sur S2, c'est-à-dire l'analyse sur ce qu'il a de savoir par le névrosé, quel soit le sujet, il va produire quelque chose. On peut dire que le signifiant maître, jusqu'à présent, du discours analytique, c'est bien le nom du père. Il est extrêmement curieux qu'il ait fallu le discours analytique pour que la psyche pose les questions. Qu'est-ce qu'un père? Freud n'hésite pas à articuler que c'est le nom par essence qui implique la foi. C'est la façon dont il s'exprime. Nous pourrions peut-être tout de même en désirer un petit peu plus. Après tout, apprendre les choses au ras niveau du biologique, on peut parfaitement concevoir que la reproduction de l'espèce humaine, que j'ai déjà fait, que j'en suis déjà de l'imagination d'un romancier, se produise sans aucune espèce d'intervention d'un être désigné sous le titre du père. L'insémination artificielle, après tout, ne serait pas là pour rien. Qu'est-ce qui, en somme, fait la présence depuis un temps qui n'est pas d'hier, de cette essence du père? Et après tout, est-ce que nous-mêmes, analystes, nous savons bien ce que c'est? Je voudrais tout de même vous faire remarquer ceci, c'est que dans l'expérience analytique, le père n'est jamais que référentiel. Nous interprétons telle ou telle relation avec le père. Est-ce que nous analysons jamais quelqu'un en tant que père? Le père est un terme de l'interprétation analytique. À lui se réfère quelque chose. C'était la lumière de ces remarques qu'il faut bien, vous voyez bien, que j'abrège, que je voudrais quand même vous situer ce qu'il en est du mythe de l'Édipe. Le mythe de l'Édipe fait en quelque sorte tracas, n'est-ce pas? Parce que soi-disant, il instaure la primauté du père, qu'il serait une espèce de reflet du patriarcat. Je voudrais faire sentir quelque chose, ce par quoi, à moi tout au moins, il ne me paraît pas du tout un reflet du patriarcat. Bien loin de là. Il nous fait apparaître seulement ceci, un point d'abord, par où la castration pourrait être servie, d'un abord logique, et de cette façon que je désignerais d'être numéral. Le père, non seulement castré, mais il est précisément castré au point de n'être qu'un numéro. Ceci s'indique tout à fait clairement dans les dynasties. Tout à l'heure, je vous parlais d'un roi que vous ne savez plus très bien comment nommer, Georges III ou Georges IV. Pensez que ce qui est justement, ce qui paraît le plus typique, la représentation de la paternité, à savoir la royauté, c'est comme ça que ça se passe. Georges I, Georges II, Georges III, Georges IV. Mais enfin, il est bien évident que ça ne pose pas la question. n'y a pas seulement numéro, il y a nombre. Pour tout dire, j'y vois le point d'aperception de la série des nombres naturels. Comment s'exprime ? Et comment s'exprime pas si mal, car vous voyez, c'est très proche de la nature. Je voudrais vous faire remarquer que puisqu'on évoque toujours à l'horizon des soi, bien entendu, je vois c'est une raison de suspicion extrême. Je voudrais vous faire simplement remarquer ceci, c'est que le matriarcat, comme on s'exprime, n'a aucun besoin de produire aux limites de l'histoire. Le matriarcat consiste essentiellement en ceci. C'est pour ce qui est de la mère, comme Freud lui-même à l'occasion, il n'y a pas de doute. On peut à l'occasion perdre sa mère dans le métro, bien sûr. Mais enfin, il n'y a pas de doute sur qui est la mère. Il n'y a également aucun doute sur qui est la mère de la mère. Et ainsi de suite. La mère, dans sa lignée, je dirais, est innombrable. Elle est innombrable dans tous les sens propres du terme. Elle n'est pas énumérée parce qu'il n'y a pas de point de départ. La lignée maternelle a beau être nécessairement en ordre, on peut la faire partir de nulle part. Je voudrais vous faire remarquer d'autre part, ceci qui paraît être la chose qu'on touche le plus couramment du monde, c'est pas du tout rare, mais ça, il n'est pas du tout rare qu'on puisse avoir pour père son grand-père. Je veux dire pour vrai père, et même son arrière-grand-père. Oui, parce que les gens vivaient, comme nous l'avons dit dans la première lignée des patriarches, une fois dans les environs de 900 ans, j'ai relu ça récemment. C'est très, très piquant, c'est un trucage absolument sensationnel. Tout est fait pour que les deux ancêtres de Noé, là les plus directs, soient morts juste au moment où le déluge se produit. Quand on voit ça, c'est fignolé. Enfin, laissons ça de côté, c'est pour simplement vous mettre dans la perspective de ce qu'il en est du père. De ceci, voyez-vous, ce qui résulte, je pense que d'aller un peu vite, parce que l'heure s'avance, c'est que si nous définissons l'hystérique par ceci, qui définit, ça n'est pas particulier, le névrose, à savoir l'évitement de la castration. Il y a plusieurs façons de l'éviter. L'hystérique a ce procédé simple, c'est qu'elle l'unilatéralise de l'autre côté, du côté du partenaire. Disons qu'à l'hystérique, il faut le partenaire, chaque fois. Qu'il soit châtré, il est clair, au principe, de la possibilité de la jouissance de l'hystérique. Mais c'est encore trop. S'il était châtré, il aurait peut-être une petite chance, puisque la castration, c'est justement ce que j'ai défini tout à l'heure, comme étant ce qui permet le rapport sexuel. Il faut qu'il soit seulement ce qui répond à la place du salut. Alors, puisque Freud lui-même nous indique, je veux dire, mon Dieu, à quelle part, mais ça, nous indique lui-même que tout ce qu'il élabore comme mythe, ceci est à propos de Moïse, je n'en ferai pas ici la critique, dit-il, de ce qu'il a lui-même écrit à la date où il le publie en 1938 sur son hypothèse historique. À savoir celle qu'il a rénovée de cellules. Car tous les résultats acquis Ni la traductrice constitue les déductions psychologiques qui en dérivent des substances qui rapportent. Comme vous le voyez, ça ne veut rien dire. En allemand, ça veut dire quelque chose. C'est den, die bilden, die voraussetzung, car il forme la supposition. Der psychologischen Erörterungen, des manifestations psychologiques qui, de ces données, n'est-ce pas, von ihnen ausgehend, découle, et toujours de nouveau, zurückkommen, ils font retour. C'est bien en effet tout la dictée de l'hystérique que non pas s'élabore, car jamais l'Égypte n'a été par preuve véritablement élaborée. Il est indiqué en quelque sorte à l'horizon, dans la fumée, si l'on peut dire, que s'élève comme sacrifice de l'hystérique. Mais observons bien ce que veut dire maintenant cette nomination. Cette réponse à l'appel du père dans l'Égypte. Je vous ai dit tout à l'heure que ça introduit la série des nombres naturels. C'est que là, nous avons ceci à la plus récente élaboration logique de cette série, à savoir celle de Peano, s'est avéré nécessaire. C'est à savoir, pas simplement le fait de la succession, quand on essaie d'axiomatiser la possibilité d'une telle série, on rencontre la nécessité du zéro pour poser le successeur. Les axiomes minimaux de Peano n'insistent pas sur ce qui a pu se produire en commentaire, en marge, en perfectionnement, mais la dernière formule, c'est celle qui pose le zéro, comme nécessaire à cette série, faute de quoi elle ne saurait d'aucune façon être axiomatisée, et faute de quoi elle serait donc innombrable, comme je disais tout à l'heure. L'équivalence logique de la fonction est très précisément cette fonction de zéro. Trop souvent oublié, je ne peux le faire qu'en marge très rapidement. Je vous ferai observer que nous entrerons dans le deuxième millénaire en l'an 2000 que je sache. Si simplement vous admettez ça, vous l'admettez, vous pouvez aussi bien ne pas l'admettre. Mais si simplement vous admettez ça, je vous ferai remarquer que ça rend nécessaire qu'il y ait eu un an zéro après la naissance du Christ. C'est ce que les auteurs du calendrier républicain avaient oublié. La première année, ils l'ont appelé l'an 1 de la République. Ce zéro est absolument essentiel à tout repérage chronologique naturel. Et alors, nous comprenons ce que veut dire le meurtre du père. Il est furieux, singulier, mais ça, que ce meurtre du père n'apparaissent jamais, même dans les drames, comme le fait remarquer avec pertinence quelqu'un qui a écrit là-dessus un pas mauvais chapitre, que même dans les drames, il n'y a jamais aucun dramaturge, on a osé, exprime l'auteur, faire présenter, manifester le meurtre délibéré d'un père par un fils. Faites bien attention à ça, même dans le théâtre grec, ça n'existe pas. La terre entend ce père. Et par contre, c'est tout de même le terme meurtre du père qui paraît sans que ce Freud élabore à partir de ce que constitue du fait de l'hystérique et de son bord le refus de la surface. Et ce n'est pas justement. Autant que le meurtre du père ici, est le substitut de cette castration refusée, que l'Égypte a pu venir s'imposer ici à la pensée de Freud dans la filière de ses abords de l'hystérique. Il est clair Dans la perspective historique, le phallus fécond qu'il engendre, c'est lui-même, si l'on peut dire, que la fécondité est forgerie phallique, et c'est bien par là que tout enfant est reproduction du phallus, tant qu'il est gros, inexprimé ainsi, d'engendrement. Mais alors, nous entrevoyons aussi, puisque c'est du pape Ligien, que je vous ai inscrit la possibilité logique du choix dans cette relation insatisfaite au rapport sexuel, que c'est du pape Ligien que je voulais désigner. C'est par là que l'incroyable complaisance de Freud pour un monothéisme dont il va chercher le modèle, chose très curieuse, bien ailleurs que dans sa tradition. Il lui faut que ce soit Akhenaton. Rien n'est plus ambigu, je dirais, sur le plan sexuel, que ce monothéisme solaire. Elle voit rayonner de tous ses rayons pourvus de petites mœurs hein, qui vont s'appuyer les naseaux d'innombrables menus humains, enfants, de l'un et l'autre sexe, dont il est dans cette imagerie enfin, de la culture égyptienne tout à fait frappant que ce câble dire, il ressemble comme des frères. Mais encore plus comme des sœurs. Si le mot sublime peut avoir son sens ambigu, c'est bien là. Aussi bien, ce n'est pas pour rien que les dernières images monumentales, celles que j'ai pu voir la dernière fois que j'ai quitté le sol égyptien, Akhenaton sont des images non seulement sacrées, mais carrément féminines. Il est tout à fait clair que si la castration a un rapport au phallus, ça n'est pas là que nous pouvons le désigner. C'est-à-dire que si je fais le petit schéma qui correspondrait au patou ou au patou, comme désignant un certain type de la relation au sudoïste, eh bien, en ce sens, c'est au fidéiste lui-même que se rapporte le génie. Le passage à la médiation entre guillemets masculine n'est bien celle que de cet au moins un que je soulignais et que nous retrouvons dans le Théano par ce N plus un toujours répété, celui qui en quelque sorte suppose que le N qu'il précède se réduit à zéro. Par quoi, précisément, par le meurtre de terre. À ce repérage, de si l'on peut dire le détour, la façon pour employer le terme de Frege lui-même, c'est bien le cas de le dire oblique, ungerade, dans le sens du meurtre de terre. Rapporte à une autre des Deutons, c'est là qu'il faudra bien que je me limite aujourd'hui, m'excusant de n'avoir pas pu pousser plus loin les choses, ce sera donc pour l'année prochaine, je regrette que les choses se soient cette année été forcément ainsi tronquées, mais vous pourrez voir que le totem établi par contre, à savoir celui qui met du côté du père la jouissance originelle est quelque chose à quoi ne répond pas moins un évitement strictement équivalent de ce qu'il en est du nœud de la castration, strictement équivalent. Hein. Ce en quoi se marque bien ceci, que l'obsessionnel pour répondre à la formule « il n'y a pas de dans la variable fidéique, l'obsessionnel comment l'obsessionnel se dérobe simplement de ne pas exister, c'est quelque chose auquel, pourquoi pas, nous renouerons la suite de notre discours. L'obsessionnel en tant que il est dans la tête de ne pas exister au regard de ce terre non moins mythique qui est celui de totem et tabou. Comment est là que s'attache réellement tout ce qu'il en est d'une certaine édification religieuse et de ce en quoi elle n'est hélas pas réductible et même pas de ce que Freud accroche à son second mythe, celui de totem et tabou, à savoir ni plus ni moins que sa seconde topique, c'est ce que nous pourrons développer ultérieurement. Car notez-le, la seconde topique, c'est sa grande innovation, c'est le surmoi. Quelle est l'essence du surmoi? C'est là-dessus que je pourrais finir en vous donnant quelque chose dans le creux de la main que vous pourrez essayer de manipuler par vous-même. Quelle est l'ordonnance surmoi? Précisément, elle s'origine de ce père originel, plus de mythique, de cet appel comme tel à la grippe, c'est-à-dire aussi à la non-castration. Qu'est-ce que ce père en effet dit au déclin de l'édition? Il dit ce que dit le surmoi. Ce dit le surmoi n'est pas pour rien que je ne l'ai encore jamais vraiment abordé. Ce dit sur moi, c'est lui. Tel est l'ordre. L'ordre impossible à satisfaire. Et qui, comme tel, est à l'origine de ce qui est là-bas. Si paradoxal que cela puisse vous paraître au terme de la conscience morale. Pour bien en sentir le jeu, je dirais même la dérision. Il faut que vous lisiez l'Ecclésiaste. Jouis tant que tu es dans le salon. Jouis, l'auteur énigmatique, comme vous savez, de ce texte étonnant. Jouis avec la femme que tu es. C'est le comble du paradoxe, parce que c'est justement de l'aimer. Il y a l'obstacle.